Table des mots hors d'usage. Admis dans les deux premiers volumes. Plusieurs personnes, dont le jugement est pour moi décisif, ont paru regretter dans mon premier volume, et le regretteront sans doute dans les autres, l'emploi d'un certain nombre de formes et d'expressions vieillies qui peuvent embarrasser le lecteur en donnant au style quelque chose de discordant et d'affecté. Il était bien difficile d'éviter cet inconvénient dans une œuvre qui se rapporte à des idées, à des mœurs si différentes des nôtres, et de trouver toujours dans notre langue académique l'expression juste d'armes, de vêtements, de tissus et d'étoffes qui n'ont plus leur équivalent dans l'usage moderne. Ainsi le casque, le bouclier, la cuirasse, la bandoulière, la ceinture, la cotte et la robe ne semblent pas répondre exactement au sens de « home », d'écu, de haubert, de bran, de gambeson, de surcot, de hanap, de range et de guiche. Certaines tournures de phrases semblent également liées à l'expression des anciennes habitudes. Combien de fois avons-nous entendu regretter qu'on ne les retrouvât pas dans les agréables remaniements des Caylus et des Tressans ? J'ajouterais que j'avais déjà pris la liberté de conserver ces tournures un peu surannées dans les aventures de Maître Renard et dans mon Garin le Lohérin. Les lecteurs de ces premières études m'en ont su gré. Je réclame aujourd'hui pour les romans de la Table Ronde la même indulgence. D'ailleurs, plus j'avancerai dans la tâche que je me suis volontairement imposée, plus les désaccords de style, les incertitudes de rédaction tendront à disparaître. Car j'aime à le répéter avec le pieux Antoine de La Salle, celui qui commence un livre n'est que l'écolier de celui qui l'achève. Un dernier mot sur le texte du livre d'Artus que nous avons préféré. J'avais le choix entre celui que les lecteurs, et par conséquent les copistes du XIIIe siècle, avaient adopté, et la rédaction qu'un seul des nombreux manuscrits qu'il m'a été permis de consulter nous a conservé. Ce texte, le seul aussi qui soit exclusivement consacré au livre d'Artus, est inscrit dans notre grande bibliothèque nationale sous le numéro 337. La rédaction ordinaire s'y retrouve jusqu'au point où le roi Lot et ses fils partent en message vers les princes Feu de la Terre, tome 2, page 271. Mais, à compter de là, le copiste fait route à part. Au lieu de suivre le roi Lot dans son intéressant voyage, il nous retient devant Clarence et nous raconte avec une prolixité désespérante tous les détails de la victoire remportée sur les Seines. Quand enfin les Bretons victorieux sont rentrés dans la ville, une grande querelle s'élève entre les barons sous les yeux du roi, querelle provoquée par les railleries de queue contre le brave et impétueux Sagremort. En l'absence de son compagnon d'armes, Gauvin essaye d'imposer silence à l'indiscret sénéchal. Queue ne reconnaît à personne le droit de le faire taire, et qui qu'en groigne, en groigne. En ce moment, Gaëriette, frère de Gauvin, saisit par la nuque l'insolent railleur et d'un coup de poing l'abat devant Artus aux applaudissements de toute l'assemblée. Artus, vivement offensé de la façon dont on traite son sénéchal, veut une réparation. Que rendra ta Gaëriette le coup de poing qu'il a reçu ? Grand tumulte alors, grand murmure. Gauvin, ne pouvant apaiser le roi, se dessaisit de la charge de connétable, quitte la cour et jure de ne plus servir un prince qui encourage la médisance contre ses meilleurs chevaliers. Tous les compagnons de la reine et de la Table Ronde le suivent et font la solitude autour d'Artus. Vainement, la reine Guenièvre conjure en pleurant Gauvin de ne pas les quitter. Ses touchantes prières sont perdues et les quatre fils de Lot se disposaient à passer à la cour de Galeho, le puissant roi des îles lointaines, quand Artus arrive à l'hôtel de Gauvin et livre en pleurant la personne de Queux, qui implore son pardon et demande à retourner dans le royaume de Bénoïc, où il est né. Gauvin ne peut résister longtemps. Il accepte la satisfaction qu'on lui offre, tend la main à Queux et s'agenouille à son tour devant le roi. Cette scène est assurément d'une grande beauté et rappelle, sans qu'on y puisse soupçonner l'apparence d'une imitation, les grandes querelles de Guillaume d'Orange avec l'empereur Louis et celle de Gilbert de Metz avec le roi Pépin dans nos plus belles chansons de gestes. Nous retrouvons dans la même leçon particulière les scènes vaincues dans une foule de rencontres meurtrières, puis les aventures de Sagremort, divin, du roi Artus et surtout de Gauvin, délaissées dans la rédaction ordinaire, bien qu'elles accusent une composition de première date et soient justifiées par des allusions clairsemées ça et là dans l'Artus, dans le Lancelot, dans la quête du Saint Graal. Gauvin est bien ici le modèle de valeur, de loyauté chevaleresque, d'inconstance amoureuse, que les auteurs de l'Amadis transporteront plus tard à leur Galahor. De plus, nous avons ici la conclusion de l'aventure de la laide semblance, indiquée par le roi Rion, tome 2, page 193. Les amours de Gauvin avec la dame de Limos et avec plusieurs autres demoiselles aussi belles et d'aussi bonne composition. Tous ces galants épisodes offrent un agrément particulier, mais pouvaient faire monter plus d'une fois le rouge au visage des dames qui ne s'arrêtaient pas dans leur lecture assez vite. Notons de plus le personnage de Cossangos, fils du roi Amand de Lamballe, dont la rédaction ordinaire avait étourdiment laissé passer une mention fugitive, tome 2, page 305, et qui semble présenter ici la première ébauche de la situation faite à Lancelot du Lac. Cossangos et Guenièvre s'aimaient dès l'enfance, et le mariage de la princesse avec le roi Artus n'avait pas affaibli cette mutuelle inclination. Le fils d'Amand, dans une seconde entrevue, obtient de la reine de l'Ogre les aveux les plus décisifs, et, si les derniers cahiers de ce numéro 337 avaient été conservés, il nous ferait assister sans doute à une troisième entrevue assez analogue à celle que Galéot ménage à Lancelot. Que conclure de là, sinon que cette rédaction particulière, toute confuse, toute indigeste, toute inachevée qu'elle semble être, avait dû précéder la composition du Lancelot du Lac et peut en avoir été la première inspiration? Mais la route dans laquelle s'était engagé l'auteur ne conduisant pas à une conclusion plausible, il y a bien de l'apparence que les rédacteurs définitifs renoncèrent à la suivre pour retenir le livre d'Artus dans des limites mieux marquées. Au personnage ébauché de Cossangos, ils substituèrent l'histoire plus intéressante et mieux composée de Lancelot du Lac et sacrifièrent les derniers récits épisodiques de la rédaction primitive pour demander à Geoffroy de Monmouth les dernières laisses de la leur. C'est donc à Geoffroy de Monmouth que nous devons le combat contre le géant du Mont-Saint-Michel, le message de Gauvin près de l'empereur de Rome et la dernière bataille livrée par Artus sous les murs de Langres. Dans l'essai de renouvellement que je soumets aux lecteurs de notre temps, j'ai dû suivre de préférence les leçons consacrées. Mais, après avoir acquitté ma promesse en donnant le Lancelot et le Tristan, je compte bien, si Dieu me prête vie, revenir aux rédactions particulières, souvent plus anciennes, de composition et desquelles se sont inspirés à maintes reprises les versificateurs français du XIIIe siècle. En attendant cette heureuse conclusion, voici la table et l'explication des mots vieillis dont j'ai cru pouvoir me servir. Adouber, adoubement, vêtir, vêtements et en particulier costume de chevalier. Arbrois ou arbois, lieu planté d'arbres. Armes déguisées, celles que les chevaliers errants substituaient aux pièces de leur armure ordinaire. Bachelier, jeune homme qui pouvait espérer d'être plus tard armé chevalier. Banc, publication, annonce publique. Béhour, béhourdé, joute à armes courtoises. Bière, espèce de litière disposée pour transporter les blessés, les impotents. Ce n'est plus aujourd'hui que le coffre où l'on enferme les morts. Une bière cavalière et celle que traînaient deux chevaux, l'un devant, l'autre derrière. Blandis, flatterie, caresse. Bran, la lame de l'épée. Bref, écrit, parchemin sur lequel on a écrit. Carole, ronde, danse aux chansons. Chausse, vêtement de guerre qui couvrait la partie inférieure du corps. Contrait, boiteux, infirme. Cool, jeu de boule analogue à notre croquet. Coudrière, lieu planté de coudrier. Déduit, plaisir, doux exercice. Défermer, verbe plus expressif que celui d'ouvrir. Nous avons refermé, enfermé, pourquoi avons-nous perdu défermer? Destiné, jeter un sort sur quelqu'un ou quelque chose. Échelle, bataillon ou brigade. Enginier, tromper, séduire. La Fontaine a réveillé cette bonne expression en citant une phrase de notre roman souvent répétée, telle, comme dit Merlin, cuit d'engénier autrui, qui souvent s'engeigne soi-même. Le commentateur de La Fontaine, M. Guillon, dit à ce propos, « Le Merlin dont il est ici question n'est pas le Merlin dont il est parlé dans le Roland Furieux, mais Merlin cocaï. » Voilà l'érudition de nos professeurs émérites. « Enquère », c'est la forme régulière du verbe « enquérir » qui l'a remplacé. La première personne donne encore aujourd'hui « enquérons », tandis qu'« enquérir » devrait donner « enquérissons ». étreignent les étrennes. Faussard, grande faux à l'usage des géants. Fer vêtu, homme armé. Fèvre, travailleur en métaux. Ce vieux mot, dont tant de noms propres attestent le grand usage, est aujourd'hui perdu. L'orfèvre n'est que le travailleur d'or et d'argent. Le fèvre comprenait l'orfèvre, le taillandier, le forgeron, le haumier, le brognard, etc., etc. Fourré, c'est le nom du héros grotesque d'un récit perdu. Il est encore cité dans la partie du livre d'Artus consacrée particulièrement à Gauvain, dont nous venons de parler dans le préambule de cette table. Artus, se plaignant de l'absence de Gauvain, Merlin répond « Encore le rôrez-vous le matin ? Il n'est pas de celles qui toujours guettent l'oreiller et se vantent à cheminer qu'ils vencheront forêt. » Gabé, raillé, moqué. Gambeson, court vêtement d'étoffe bourrée ou contrepointé qui couvrait la poitrine et le haut des cuisses. Garçon, ce mot se prend toujours en mauvaise part, comme aujourd'hui vaurien, goujat. Nous avons transporté cette acception défavorable au substantif féminin. Glaive, lance ou épieu. Le grand maître, c'est ainsi que l'auteur du Saint Graal désigne souvent l'une ou l'autre des personnes de la Trinité. Hanap, une coupe pour boire, d'où l'ancien mot hanepied, partie supérieure de la tête, le crâne, qui avait la forme d'un hanap. Ardement, vertu de hardiesse. Aubert, vêtement de guerre qui couvrait la poitrine, le dos, la tête et les bras. Il fut remplacé par la cotte de maille qui s'arrêtait à la naissance du cou. Home, calotte ou chapeau de métal posé sur le capuchon du Aubert. Héberger, recevoir dans son hôtel, loger. C'est la définition de l'Académie. Mais pourquoi ajoute-t-elle que le mot est familier ? Huis, la porte, d'où huissier et huis clos. Laisse, on désigne ainsi dans les romans de la table ronde les repos qui coupent la narration générale. Le mot vient de ce qu'avant de s'interrompre, l'auteur laisse un instant le récit commencer pour s'attacher à un autre récit. Lettre fermée, lettre missive pliée. Lieu galloise, le sens de lieu de France, la leca gallica, que je donne page 377 à cette expression, me semble maintenant plus juste. Loé, conseiller, être d'avis de. Louveau, jeune loup, ménestrel, homme de métier, ministérialis, et non pas seulement joueur d'instruments ménétriers. Ménie, l'ensemble des gens de la maison, de la famille. Mieudre, meilleur. Mire, médecin, contraction du latin medicus, qui a donné mégé, mi et mire. Moutier, église, navré, très gravement blessé. Host, armée, pas le froid, cheval de voyage. Le destrier, que conduisait en laisse un écuyer, était le cheval de bataille. Pâmé, sans connaissance, tombé en faiblesse. Ce participe n'a jamais ici d'autre sens. Pelisson, vêtement léger qu'on jetait sur la robe. Plomé, bâton terminé par une boule de plomb. Popelican, hérétique qui suivait l'opinion de Paul de Samosate, d'où leur premier nom de policien, devenu publican et enfin popelican. En France, on étendait ce nom aux Vaudois, aux Manichéens et plus tard aux Albigeois. Prime ou prime, avec un S, heure canoniale, répondant à 6 heures du matin. Prouvaire, prêtre formé de presbytère. Prud'homme, c'est l'orthographe moderne. Ce mot ne se dit guère aujourd'hui que d'un homme simple et prétentieux, grâce aux scènes comiques de Henri Monnier. Dans notre roman, le prud'homme est le bourgeois honnête et de bon jugement. Et de cette ancienne acceptation est venu le nom des juges en matière commerciale, le conseil des prud'hommes. Prud'homie a précédé Bohomie, comme prud'homme, bonhomme. C'est un nom de famille honorable. Quête, mot consacré dans les romans de la table ronde, comme synonyme d'enquête, de voyage à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi la quête de Merlin, la quête du Saint Graal. Queue ou maître queue, le chef de cuisine. Quintaine, jeu de lance contre un pieu tournant chargé d'un trophée d'armes. Remembrance, souvenir, les Italiens ont conservé ce beau mot, rimembranza. Range, les bandes de cuir qui retenaient l'épée à la ceinture. Ainsi nommé, suivant Bracton, quadrène, girant et circumdant, ce qui est fort douteux, le même mot avait encore le sens de reine. Repère, résidence, retraite ordinaire, de là les noms si communs de beau repère. Sénéchal, C'était à la fois l'intendant d'une maison et le porte-étendard, le chef d'un ost ou armée. Il a dans nos romans ces deux acceptions. Sergent, synonyme de serviteur, de servien. Sérorge, l'homme, le mari de la sœur, sororis vir. Mais il se prenait dans toutes les acceptions de notre beau-frère. Le siècle, c'est-à-dire le monde, la vie du monde. Se signer, faire le signe de la croix. Solier, le premier étage d'une maison. Souder, paiement. Nous avons remplacé cette forme si française par celle de solde, tout en conservant soudoyer, entretenir des gens de guerre, solder. Tierce, la troisième des heures canoniales, répondant à 9 heures du matin. C'était la première des heures diurnales, particulièrement consacrée à la psalmodie. Varlet, jeune homme de condition honorable, c'est la traduction du vassalétus, vassal en herbe, comme domicellus et domicella, damoiseau, damoiselle. Vassal, chevalier, d'où vassalage, pour bravoure, courage. Vavasseur, vassal de second degré, formé de vassus vassorum, vassal d'autres vassaux.